mes estampes et tant de mes ailleurs jusqu'à moi qui suis extérieur à ma peau. Mes décors sont de voiles dedans le vent, le feu et des déserts noyés d'eau. Voyageur immobile, destination zéro, point de mire inconnu. À cette heure, tous mes membres s'inclinent, se rétractent. Le passage est étroit vers mes contrées intérieures. À la merci de l'héritage de mes pères, comme un fruit de ténèbres lointains. Mais par-dessus les champs de pierre des cimetières fleurit un monde où l'on prend soin. Plus jamais un autre tombe, un autre tombe, un autre tombe, un autre tombe, un autre tombe en nous. Je tombe sur le monde parallèle, confondu, je le sonde. Il m'appelle des visages et des vices, mes déviances, tous mes vices en subissant l'outrance. L'étrange face à face entre ce monde et moi pose comme une glace en éclat, mosaïque sur le mur des révélations, des messages codés à lire au plus profond. À la merci de l'héritage de mes pères, comme un fruit de ténèbres lointains. Mais par-dessus les champs de pierre des cimetières fleurit un monde où l'on prend soin. Perdu dans ce blanc que je dessine à l'aveugle, je suis intérieur à ma peau. À la pointe de l'âme j'incise au plus épais et fais crisser tous mes mots. Cathédrale gothique au méandre de moi, cauchemar érotique. Es-tu là, déchiffrer tous mes signes, avant-coureur, et défricher sur le champ mes contrées intérieures. À la merci de l'héritage de mes pères, comme un fruit de ténèbres lointains. Mais par-dessus les champs de pierre des cimetières fleurit un monde où l'on prend soin. À la merci de l'héritage.